de tes lunes ambroisies et le canal qui irrigue la nostalgie. Je veux et pourtant ne désire un point quitter ces baisers, abandonner notre hérésie glacée, consumée par les nuits d'agonie ardente. Je lustre sa peau à l'aube brûlante. Mon cœur aspire à fuir son étreinte, mais ma jeunesse en elle se consacre. Je fuis pour éviter d'être son bourreau et troque le lit qui en sent brûlé pour une esclave barbare et sans terre, renonçant à ses prairies, à ses palais. S'implore, sa paix en vain, renoncer à ce que nous fûmes et tourments. Jeune homme et dame cachés sous la pluie, entrelacés au cœur de Philadelphie. Si j'avais appris que l'âge, telle la beauté éphémère, si j'avais su pressentir que ces nuits de passion jamais ne s'effacent. Je fuis pour éviter d'être son bourreau et troque le lit qui en sent. Ses prairies